Il est 16h. Pour vous informer, Anina Meus. Bonjour Anina. Bonjour à tous. Les membres de la cellule terroriste de Verviers vont être fixés sur leur sort aujourd'hui. La lecture du jugement a commencé ce matin. Elle a repris en début d'après-midi. 16 personnes sont prévenues dans ce dossier, dont certaines pour avoir planifié des attentats en Belgique en 2005. Le président du tribunal a déjà établi dans son jugement que l'aéroport de Zaventem était une cible potentielle déjà en 2015. Les peines infligées aux membres de la cellule terroriste de Verviers seront connues d'un moment à l'autre. En France, les députés disposent désormais du rapport de la commission d'enquête sur les attentats de Paris. Il en ressort que l'attentat du Bataclan n'aurait pas pu être évité, mais que l'on peut améliorer la lutte antiterroriste. Cette commission d'enquête suggère la création d'une agence nationale de lutte contre le terrorisme, une agence qui serait placée sous l'autorité du Premier ministre. Le Belge consomme beaucoup trop d'antibiotiques, trois fois plus que nos voisins néerlandais par exemple. Ceci malgré les très nombreuses campagnes de sensibilisation menées ces dernières années pour dissuader justement la consommation d'antibiotiques. Paul Tulkens est professeur à l'Université de Louvain et il pointe trois raisons à cette surconsommation. Le fait que le médecin a souvent une insuffisance de diagnostic. Il n'est pas certain que ce soit une bactérie, il n'est pas certain du risque que l'infection peut causer. Et donc maintenant, nous avons tendance en Belgique à protéger le patient, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais peut-être à le protéger au-delà de ce qu'il est nécessaire de faire. Un deuxième élément, c'est qu'en Belgique, nous avons la possibilité pour les patients d'aller d'un médecin à l'autre, et donc il s'établit assez rapidement une situation dans laquelle le médecin se dit « si je ne prescris pas, eh bien le patient va aller ailleurs ». Alors la troisième raison qui est aussi importante à considérer, c'est qu'en Belgique, il y a une pression, disons, importante pour que le patient retourne au travail. En Hollande, on acceptera davantage qu'un patient soit absent pendant 5-6 jours parce qu'il a une grippe, qui ne demande pas d'antibiotiques, mais c'est le temps nécessaire pour qu'il soit remis complètement de sa maladie. Et nous avons tendance en Belgique à, au contraire, favoriser ou même soutenir, si on peut dire, le retour rapide du patient au travail. Paul Tulkens de l'UCL au micro de Lionel Denebourg. En France, une prise d'otage est actuellement en cours dans une prison dans le Pas-de-Calais. Deux détenus ont pris en otage un surveillant. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité de Lille ont été envoyées sur place. Des négociations ont été entamées par le personnel de la prison en attendant l'arrivée du raid. En France, toujours, le Premier ministre Manuel Valls s'apprête à passer en force sur la loi travail. Dans le même temps, les syndicats organisent cet après-midi leur 12e défilé à Paris pour dénoncer cette réforme du travail. La contestation dure depuis 4 mois déjà. Manuel Valls a donc décidé de recourir au fameux article 49.3 de la Constitution. Cet article permet l'adoption d'un texte sans vote. En Irak, la démission du ministre de l'Intérieur deux jours après l'attentat de Bagdad qui a fait plus de 200 morts. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. Le gouvernement a annoncé déjà l'exécution de 5 condamnés à mort et l'arrestation de 40 djihadistes. On retrouve maintenant Samuel Grulois sur la route du Tour. Les coureurs approchent de Limoges. On est quoi, Samuel, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée maintenant ? Allez, un peu plus, 45 km de l'arrivée, vous n'étiez bien pas loin et je n'invente rien, les coureurs viennent de traverser la petite commune de Labrousse dans la foulée du sprint intermédiaire de l'Eudora remporté par Schillinger devant Nassen, Irizar et Goujard. Vous avez là la composition de l'échappée du jour qui est devant depuis 160 km. Deux minutes plus tard, Sagan a réglé le peloton devant Kittel. Deux minutes, c'était l'écart à ce moment-là, un écart qui n'est plus que de 1 minute 15 écart entre les hommes de tête et le peloton au sommet de l'unique côte du jour à la Maisonneuve et où Markel Irizar est passé en tête. Et ça s'explique, Irizar a pris le seul point en jeu et a donc protégé le maillot à pois de son équipier Jasper Stuyven qui portera donc encore demain, c'est officiel, le maillot de meilleur grimpeur lors de la première étape de montagne. C'est symbolique évidemment pour le jeune belge de l'équipe Trek. Encore 45 km donc et 1 minute 15 d'avance pour les 4 hommes de tête sur le peloton. Un petit mot de tennis encore, on connaît l'affiche de la première demi-finale dames à Wimbledon. Venus Williams affrontera Angélique Kerber. La joueuse allemande a battu la roumaine Simona Halep 7-5-7-6. Venus Williams a éliminé la kazakh Shvedova en deux matchs également, 7-6 et 4-1. Les deux autres quarts de finale vont commencer avec d'un côté Serena Williams contre la russe Pavlyuchenkova et de l'autre côté la slovaque Sibulkova contre Vesnina. Fin de ces informations, très bon après-midi à tous. Toute l'info est sur rtbf.be. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Empruntez de l'argent, coûte aussi de l'argent. Et tout de suite, le retour de C'est presque sérieux avec vous, Walid. Merci Nina, retour dans l'information tout à l'heure à 16h30. D'ici là, oui, vous l'avez compris, nous sommes presque sérieux, soyez les bienvenus. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Vous savez d'où vient le nom d'Obermann ? C'est un mec qui était très très méchant, un contrôleur d'impôts très très vilain. Eh ben c'est vraiment ça. Vincent. Mais non. Non. Moi je me demande si Pierre n'invente pas des noms. Mais non. Hinche. Ça existe. Hinche, ouais, ça existe. Ouais. C'est où ? C'est entre deux chez après trois. C'est trois chez. Je comprends rien aux conséquences. De Bruyne a bien dit ce que j'en pense. Moi tout ce que j'aime vient d'Angleterre. À part bien sûr Madame Thatcher. Un petit tour encore. Là. Elle est anti-Europe, hein, Marine. De toute façon, elle est anti-tout. Et son père était anti-Tan, vu son âge. Il y a bien un copyright déposé sur la voie de Tarzan. Et si nous passions directement à la chute ? Dernier étage, acrophobie, peur de la chute. Ou au Front National au pouvoir, il n'y aurait pas eu de 13 novembre. Bah probablement pas, ne serait-ce parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, trois des terroristes qui ont frappé ont emprunté la voie des migrants et que à cette époque-là, nous n'aurions pas accepté cette politique migratoire. Et là, vous réalisez que toute crainte de la chute est dorénavant futile, car il serait franchement difficile de tomber plus bas qu'elle. Clinique Reine Fobiola, nous soignons le mal par le mal. Bah, c'est presque star, bien elle a un prénom. Je vous le donne en mille et. Elle s'appelle. Je veux pas vous le dire. Qu'est-ce qu'elle roule ? Je ne sais pas, c'est nerveux. Faut que vous. Dites-moi. Il a besoin de vacances. Bah, vous n'aviez pas le prénom. Bah, évidemment. Qu'il y a autour de ces tables de beaux esprits, sauf moi, vous l'avez compris. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. À en croire le quotidien La Provence, un couple de touristes parisiens a voulu porter plainte pour tapage nocturne. Tenez-vous bien. Contre les cigales. Eh oui, c'est comme si l'AFSCA débarquait au Walt Disney parce qu'il y a une grosse souris dans le parc. Hein. Alors on imagine que les deux personnes en question ne sont pas des habitués des festivals dont la saison bat son plein et qui sont de plus en plus nombreux au calendrier. À ce rythme-là, on verra bientôt apparaître, tiens, la nuit des cœurs qui saignent. À Mons, pas mal ça. Ou les francophobies d'Anvers. On verrait même peut-être un festival de sajaz. À propos, tiens, remarquons que c'est parce qu'ils n'ont pas fait un festival que les Diables Rouges se sont retrouvés traînés dans la boue. C'est un peu le monde à l'envers. En tout cas, bienvenue à vous jusqu'à 17h30 sur la première dans ce Nerly Serious Festival. C'est un mini festival que de 90 minutes où l'actualité va battre au rythme de l'impertinence de nos beaux esprits. Et ce week-end, c'est le festival du conte de Chigny, vous le savez. Mais aujourd'hui, c'est le festival du règlement de compte de chez nous avec Pierre Charette. Bonjour Pierre. Bonjour Walid. Une femme orchestre, la Rémi Briquet de l'actualité, elle est toute seule. C'est Cynthia Zarelli, bonjour. Non, c'est pas elle n'a pas pris son petit oise. Non, elle n'a pas pris aujourd'hui, non. Une prestation de 96 heures d'affilée. Il est d'un mélange de talent et de mauvaise foi, c'est sûr. C'est un festival à lui tout seul. C'est Corentin Candy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il n'hésite jamais à mettre la bêtise des autres sur le devant de la scène. C'est Vincent Flibustier. Ben, je veux pas dire, mais l'histoire des cigales, c'est un fake. Mais je sais, mais c'est pour ça que j'en parle. Ah d'accord. Ah, mais c'est étonnant. Tous les journaux reprennent cet article de La Provence et La Provence elle-même a supprimé son article et plus rien derrière. Vous savez que voilà. Ça me permet de mettre à propos juste mais tout le festival. Et en fait, voilà, les gens vont se dire c'est pas possible. Et vous êtes là, c'est pour ça justement que vous êtes là. Tout à fait. Hein, vous avez vu Raoul, je me disais bien qu'il allait intervenir. Ben oui, on le connaît. Tiens, son festival à lui préféré, c'est Expert Plancha. C'est un peu comme Esperanza, sauf que c'est avec la plancha en fait. Raoul Reyes. Les bonjours reviennent. Enfin, ça fait des mois qu'on nous dit ça. Mais... Vous feriez bien un beau festival, tiens, Raoul. À moi tout seul. Un festival de pâtes. Ouais, non, mais, trucs qui, mais juste la viande qui grésille à elle toute seule, c'est un festival sonore. Je vous ferai un enregistrement. Ah, écoutez avec plaisir. J'en prends note. Et dans les backstage, il y a la Schles, comme on l'appelle. C'est celle qui prépare cette émission pour vous, Delphine de son prénom, et puis Roxane Brunet qui la réalise pour vos petites oreilles, vous auditeurs chéris de la première. Merci en tout cas à vous d'être au rendez-vous, comme nos chroniqueurs du jour presque sérieux, vous l'avez compris. Une fois de plus, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Camping 3. On en parlera. Eh oui, on est passé à côté, mais il faudrait, oui, il faut remettre le cinéma et la culture au centre de tout. On parlera de Mark Wilmots, l'ennemi public numéro 1 pour le moment, et de l'expo Harry Potter. C'est au menu de 7h30 et au menu également de la Presque Star. On aura également des cadeaux à vous offrir. C'est le moment, c'est l'instant de vous inscrire. Histoire d'égayer vos soirées d'été, nous vous offrons un jeu aux éditions Roboprod et pas n'importe quel jeu, Seven Wonders Duel. Faites-vous plaisir, vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser en famille et Dieu sait que, voilà, l'été, vous êtes loin, vous avez envie de faire en sorte que vos proches, vos parents, vous-même, vous quittiez vos smartphones, et bien remettez le jeu de société au centre de tout. Ce qu'on a fait le week-end dernier, il faut que ça se sache. On était donc en mise au vert avec toute l'équipe et on a beaucoup joué, enfin surtout eux. On a joué à Burger Quiz, un très très chouette jeu. Et on avait mal au ventre de rire. Ah oui, mais on s'est bien amusé. Donc vraiment, le jeu de société, c'est à remettre au centre de toutes vos activités estivales et c'est le moment, c'est l'instant. Inscrivez-vous, envoyez donc ces fameuses trois lettres CPS au 60-31, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse, donc pour repartir avec Seven Wonders Duel. Des propositions vous feront en rapport avec une phrase extraite d'un quotidien, et cette phrase, je vous la propose sans plus attendre. Qui aurait pu dire « J'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal ». Eh bien, on a découvert cette phrase, nous aussi, en ouvrant le journal. Qui aurait pu la prononcer, cette phrase ? À vous de le déterminer. En attendant, voici la une du jour. C'est la une. Deux infos, les amis, écoutez attentivement les deux extraits musicaux que voici. Lise Chertal, je prends des médicaments. Et de l'autre côté, François Pérusse, et je suis un raté. Est-ce qu'on parle de football? Ah oui, on parle de football. Est-ce qu'on parle de pénalty? On parle de pénalty, non, on parle pas de Zaza. On parle pas de Pelé non plus. Mais Pelé, il est vivant. Non, Pelé qui a fait aussi comme Zaza. Pelé, pour ceux qui ne maîtrisent rien au football, c'est un joueur italien. Il est mort. Non, les deux sont vivants. C'est pas le vieux Pelé. Non, il est vivant aussi. Alors on a vécu effectivement une phase de pénalty, on peut le dire, entrée dans l'histoire maintenant des pénaltys, avec des provocations dignes de la Commedia dell'arte, avec des joueurs italiens qui font des petits ponts, qui pleurent, qui sautent sur place. Ça, c'était Zaza, donc, et le fameux Pelé qui, lui, en fait, regarde le gardien et qui dit je vais te faire une panelka. Et en fait, il a fait une panelka, mais qui est passé juste à côté. C'est quoi une panelka? Panelka, c'est une petite pichenette. Un petit lobe sur le gardien. Donc, genre, je vais te surprendre, ça va être facile. Et donc, un joueur hongrois qui s'appelait panelka. Et donc, en gros, voilà, c'était ridicule. Mais tout ça pour dire à Cindy Azarli que ce n'est absolument pas ça, mais il est toujours question de football. C'est l'Union Belge. Non. C'est l'UEFA. C'est pas l'UEFA. C'est en Belgique ou c'est en Belgique? C'est Mark Wilmots, entre autres. Est-ce que vous avez eu une info en rapport avec Mark Wilmots? Il a gagné. Non. Il a raté. Je peux vous donner une autre information. Il aime bien le jambon. Un autre indice, en tout cas. Presse écrite. Il porte plainte. Non. On parle de lui dans la presse. Oui. La presse du Nord est souvent... La presse du Nord, oui. Ah oui, c'est les Flamands qui ont balancé qu'apparemment, avant tel un match, l'équipe, le staff était complètement bourré et qu'il fallait porter les gens. Non, c'est pas ça. Les joueurs se sentaient en prison. On n'est pas dans cette presse-là, mon Vincent Fibussier. Non. Ouf. On est ailleurs. Mais dans quoi? Presse économique? Presse économique, non. Je vais vous donner le groupe de presse. Humo. Est-ce que vous avez lu un lien entre Humo et... Est-ce que Marco de Massa aurait été nominé? Ils ont lancé... C'est un magazine genre gay, un truc comme ça. C'est genre télémoustique flamand. C'était beau, têtu. Oui, mais arrêtez avec ça. Alors dites-moi un peu, à votre avis. Vous ne voyez pas du tout Humo. Vous ne lisez pas la presse flamande. Français chasseur de primes. Il va toucher 1 million d'euros. Il a touché plus que tous les autres joueurs réunis. Alors, pour le moment, il y a 1 million d'euros. Et ce que propose Humo, eh bien, c'est relativement original et... Il va les reverser. Ils font le buzz avec ça. C'est que Humo invite ses lecteurs à rassembler 1 million d'euros pour mettre Wilmots à la porte. Une initiative donc qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils ont donc décidé d'inviter leurs lecteurs à rassembler ce million d'euros pour mettre Mark Wilmots, le sélectionneur belge, à la porte. Ni Mark Wilmots ni la fédération n'ont un intérêt financier à effectuer le premier pas vers l'autre par rapport à ce contrat dont l'enjeu, donc on le dit, est d'une clause de rupture fixée à 1 million d'euros, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc je crois qu'il va rester là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui décide de faire le premier pas vers l'autre. Et donc pour le moment, ils ont ont 967 euros de récolté. On est loin du million, mais... À mon avis, il sera pensionné, Wilmot. C'est ambitieux, c'est très... C'est ambitieux, un genre de crowdfunding, une pratique donc, qui consiste à faire appel à des particuliers pour financer un projet. Et ça ne date pas d'Internet, cette pratique-là. Si je vous dis, par exemple, quel monument a été financé en partie par le biais du crowdfunding, est-ce que vous avez une idée ? La Tour Eiffel. Non, mais on n'est pas très loin. L'Atomium ? Non plus. Le Parthénon. Bah non, si je dis la Tour Eiffel, on n'est pas très loin. Paris. Bah non. Paris. si on n'est pas très loin en Belgique. Bah non, si je dis la Tour Eiffel, pas très loin. La Tour de Montmartre, la rive gauche, le Café de Flore. Mais non, mais je dis, c'est un monument. Si on dit Tour Eiffel, c'est Gustave Eiffel et Gustave Eiffel n'en a pas fait qu'un monument. La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, effectivement. La Statue de la Liberté, une vaste campagne d'appel aux dons fut lancée en France, à laquelle donc des dizaines de milliers de particuliers ont répondu pour réunir donc le million de francs à l'époque nécessaire. Ce sont les Français qui ont payé la Statue de la Liberté. Qui ont payé la Statue de la Liberté, effectivement, cadeau. Madame. En partie. Avec nos impôts, monsieur. Ah, oui. Mais si on n'était pas là pour en payer. Dites conclusion de l'histoire Wilmot, les Flamands n'aimeraient pas Wilmot particulièrement. Mais écoutez, ils veulent s'en débarrasser, en tout cas, c'est ce n'aime qu'on n'aiment pas peut perdre comprendre. Les Flamands, je crois que comprendre. C'est plutôt ça. Ça, c'était la première des infos. La seconde info avec Lise Chertal, je prends des médicaments. À tout hasard, c'est une étude. Alors, à tout hasard, on peut dire que c'est une étude, mais ce n'est pas une étude, c'est un constat. Les gens qui prennent des médicaments sont plus souvent malades. Non, c'est pas ça, c'est un constat en rapport avec les médicaments en Belgique et en particulier sur nos compatriotes belges. Il y a une grande consommation d'antidépresseurs chez les dépressifs. On n'est pas très loin. Depuis vendredi. C'était pas antidépresseur. Non, c'est pas ça. Antibiotiques. Effectivement, la quantité d'antibiotiques prescrits a augmenté ces 10 dernières années en Belgique, malgré donc les nombreuses campagnes d'information pointant donc les effets néfastes d'une utilisation trop intensive des antibiotiques. C'est ce que conclut donc cette étude. Effectivement, de l'Université catholique de Louvain, publiée aujourd'hui et depuis plus de 10 ans maintenant, les pouvoirs publics belges lancent chaque année des campagnes d'information. Genre, prenez pas des antibiotiques, c'est pas bon pour la santé. N'allez pas chez votre médecin, c'est pas bon pour la santé. Et tiens, si je vous dis le pénicillium, ça ne vous dit rien. Et pourtant, il est utilisé pour la fabrication d'antibiotiques. Hein, bah, voilà, c'est la pénicilline. Non, mais où on peut trouver le pénicillium? On peut le trouver pénicillium. Dans le caleçon de Joachim Lowe. Alors, c'est une moisissure. Alors, effectivement, oui, c'est une moisissure. C'est un champignon, hein. Effectivement. Et on n'est pas très loin. Où peut-on le retrouver? Et on l'utilise donc pour la fabrication d'antibiotiques. Dans les chaussures, non. On en mange. Dans les sous-vêtements d'Allemand, sur le fromage. Sur le fromage, oui, mais sur le saucisson. Allez, je vais vous aider. C'est la c'est poudre blanche. Blanc, là. Ouais, oui. C'est la fameuse poudre blanche qu'on trouve sur les saucissons. La fleur du saucisson, comme on l'appelle. et c'est en fait un champignon et que l'on retrouve donc dans certains fromages comme le Roquefort. Et il permet donc l'affinage du saucisson ainsi que sa conservation. Et il l'utilise donc pour la fabrication d'antibiotiques. Donc, manger du saucisson. Ça soigne. Bon. C'est bon. Ça soigne. Et manger du fromage. Allez, à 16h17, on va continuer à s'intéresser à l'actualité avec vous, dans un premier temps, où vous inscrivez en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On jouera avec le qui a dit du jour et le qui a dit, je vous le rappelle, j'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal. Qui aurait pu prononcer cette phrase? À vous de le déterminer. On vous offre le jeu Seven Wonders Duel. Vous envoyez donc ces trois lettres CPS au 6031, nom, prénom et adresse, vos coordonnées complètes pour passer un bon moment dans la joie et dans la bonne humeur. Et dans la joie et dans la bonne humeur, on s'intéresse dans la suite à l'actualité revue et corrigée par notre cher Pierre Charette. On s'intéresse sera mon Pierrot, à quoi exactement? L'exposition Harry Potter. Voldemort est en plus à deux lettres près l'anagramme parfait de Dorcel VOD, son site pour adultes. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Excusez-moi, vous pensez quoi du Brexit? C'est génial, j'ai craqué. Ah, et vous avez craqué pourquoi? Eh ben pour un break Mercedes classé, noir, jante alu, airco, automatique, contrôlé et garanti par Mercedes et tout pour moins de 18 000 euros. C'est génial, non? Les breaks qui font un hit cet été sont chez Nearly New Car. Faites vite votre choix sur nnc.be. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. Jour mange, jour pas. Salut fiston. Bonne journée mon lapin. Oui, sauf que j'ai un problème en maths. Ah non, pas. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants? Pour préparer les examens de passage ou revoir la matière avant la rentrée, faites appel au cours particulier à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. La première présente l'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info, viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir. Les vrais Brexit sont sur nnc.be. Il y a déjà un break Mercedes classé d'occasion récente à partir de 17 999 euros. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. La première, Mobile Info. Et on retrouve le seul, l'unique, à 16h, presque 20 minutes. Pierre Collard-Bovier, vous allez bien depuis tout à l'heure, mon Pierre ? Je vais pas trop mal, ça va. Parce que, pour dire tout aux auditeurs, vous êtes passé nous faire un petit coucou au bureau. Ouais, j'ai fait bonne route, à l'heure en tout de cas, l'apéro. Ouais. À 10h oui, du matin. En plus, mais je à 10h du matin. À 10h du matin. C'est vrai qu'on était, on n'est pas très matinal, nous, à ce niveau-là. Bon, mon Pierre, que se passe-t-il sur nos routes ? Eh bien, quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale, dans le tunnel Boileau vers Mézières, du tunnel Rogier au tunnel Léopold II vers la Basilique et du tunnel Rogier au tunnel Arlois vers le midi. En ce qui concerne le ring de Bruxelles, et bien 12 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Billard au titre et 11 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Note également ces 10 minutes pour l'intérieur au titre Grand Billard. Alors, un accident sur le 403 Bruges tournait autour de Templeuve. Une bande de circulation neutralisée en direction de Tournai et des ralentissements sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Réquem. Vous perdez une vingtaine de minutes en direction de la France. Vous avez éternué à rhume ? Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Dans un instant, on aura droit au top 3 de Raoul Reyers. Vous vous inscrivez toujours pour jouer avec nous au Qui a dit. Ce sera juste derrière les informations de 16h30. En attendant, on s'intéresse à l'actualité, revue et corrigée cette fois-ci par notre cher Pierre Charette. Pierre, vous avez décidé de nous parler de la grande exposition sur Harry Potter qui a débarqué à Bruxelles, au Palais 2, précisément, au Palais 2 du Hesel, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Oui, et cette exposition, vous en avez sans doute entendu parler, draine une affluence absolument incroyable. Vous voulez des chiffres peut-être ? Allez. Ah oui. Eh bien, 22. Oui. 43. Millions. Oui. 37 et 14. C'est le téléphone. Voilà, des chiffres, ouais. Je vous en donne. Ouais. Mais cette exposition donc draine une influence absolument incroyable. Et je sais que pour les gens qui n'ont pas lu Harry Potter et qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est un peu incompréhensible. Typiquement, les gens qui n'ont pas lu Harry Potter ne comprennent pas pourquoi Harry Potter séduit autant. Moi, d'ailleurs, on me pose souvent la question, mais comment se fait-il qu'un être cynique, impudent et immoral comme toi, Pierre, aime l'univers d'Harry Potter ? Et à ces gens, je ne peux répondre qu'une chose, mais je vous emmerde. Non, pardon. Et à ces gens, je ne peux répondre qu'une chose, mais lisez Harry Potter et vous comprendrez, vous tomberez dans la magie. Et lorsque mes interlocuteurs restent un peu dubitatifs, et je sens que vous l'êtes, je propose généralement de leur lire moi-même un passage. Et en général, je choisis toujours le même, le moment où Harry Potter est dans un magasin du chemin de traverse et choisit sa baguette. Essayez donc celle-ci, monsieur Potter. 27 cm et demi. Très flexible, agréable à tenir en main. Prenez-la et agitez-la un peu. Tout cela est véridique. Harry prit la baguette dans sa main et sentit aussitôt une étrange chaleur se répandre entre ses doigts. Il la leva au-dessus de sa tête, puis l'abaissa en la faisant siffler dans l'air. Une gerbe d'étincelles rouge et or jaillit alors de l'extrémité de la baguette, projetant sur les murs des lueurs mouvantes. Et oui, le secret de la saga tient en une phrase. Harry Potter a une baguette magique de 27 cm. Et elle fait des étincelles. Tout homme ne peut pas en dire autant, n'est-ce pas, monsieur Wahhabi ? Tout à fait. Et c'est à partir de 7 ans qu'on peut lire. Mais bien sûr, de 7 à 77 ans. Pour vous en convaincre, autre passage. Harry fit alors quelque chose de très courageux et très stupide. Il prit son élan, sauta au cou du troll et parvint à s'accrocher derrière lui. Le troll ne sentait pas le poids de Harry. En revanche, il sentait très bien la baguette qui lui était entrée droit dans une narine. Et oui, pourquoi j'aime Harry Potter ? Tout simplement parce qu'il s'agit de la plus grande propagande porno-crypto-gay de l'histoire de la littérature pour enfants. Il suffit pour s'en convaincre, vous l'avez compris, de remplacer le mot baguette par le Mobit. Mais on avait compris. Bah oui. Lucius, ouais. Je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de ta baguette à présent. Lucius Malfoy leva la tête. Il s'appelle Lucius. Maître, ta baguette, Lucius. Je veux ta baguette. Malfoy jeta un regard à sa femme, oui, forcément, à côté de lui, puis mit la main sous sa propre robe de sorcier, en tira sa baguette, et la fit passer à Voldemort, qui la leva au niveau de ses yeux, rouge, en l'examinant attentivement. C'est les yeux qui sont rouges. Puis il sentit sa propre baguette et compara les longueurs des deux. Voilà. Pour ceux qui en douteraient encore, je rappelle que l'histoire d'Harry Potter est celle d'un petit garçon qui vit dans un placard sous l'escalier d'une famille normale, moldue, et qui décide donc de sortir du placard pour rejoindre via le chemin de traverse un monde underground où tout le monde porte des capes et des longues robes. Faut-il vous faire un dessin ? Et des baguettes. Monsieur Ollivander eut un ton beaucoup plus enthousiaste lorsque Cédric lui eut tendu sa baguette. Elle est en excellent état. Vous l'entretenez régulièrement? J'ai ciré ma baguette la nuit dernière, avec un sourire. Dit le cardinal Barbarin. Harry contempla sa propre baguette. Elle était pleine de traces de doigts. Il prit un pan de sa robe et essaya de la nettoyer subrepticement. Des étincelles dorées jaillirent à nouveau à son extrémité et il finit par renoncer en voyant le regard condescendant que lui jetait Fleur de la Cour. Et oui, le rapport de l'homme à sa baguette est parfois conflictuel. N'est-ce pas, Corentin Campion? Enfin, dernier extrait, Ron mit un bon moment avant de réussir à extraire sa baguette de sa poche. Pas étonnant que je n'arrive pas à la sortir, Hermione. Tu as emporté mon vieux jean, il est trop étroit. Oh, crois bien que j'en suis désolé, persifla Hermione. Et Harry entendit Hermione marmonner quelque chose sur l'endroit où Ron pouvait enfoncer sa baguette. Et comme je n'ai pas envie que vous mouriez idiot, sachez qu'en littérature, c'est ce qu'on appelle une liponymie. Il s'agit d'un texte dans lequel l'auteur s'impose de ne jamais employer telle ou telle sorte de mot. Ici, vous l'avez compris, pour J.K. Rowling, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ouais. Ce n'est pas Voldemort. C'est la bite. Pensez-y quand vous vous rendrez à l'exposition. Voilà, pas les deux du côté du Hazel. Chronique revue et corrigée par Pierre Charette, à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Dans la suite, eh bien, c'est l'actualité, cette fois-ci décortiquée en trois titres. C'est signé Raoul Reyers. Hey, Raoul, ça fait du bien. Petit top 3, en numéro 3, Raoul. Tu veux que je te tue? Tu veux que je te tue? Il m'a dit oui, je l'ai fait. Non. Si, si. Trois mecs qui regardaient un match de foot un peu éméché. Il y en a un qui veut ouvrir la 7e bouteille de rosé. Mm-hmm. Le locataire de l'appart lui dit « Tu veux que je te tue ?» en le menaçant avec un couteau, un peu énervé. Quoi. Il a dit oui et il l'a tué. C'est rien. C'était Manu avec Renaud. Ça se passe en Bretagne. Je dirais à un moment donné, il faut à la fois choisir ses amis et du moins bon boire. Ouais. Mais l'auteur du meurtre moins influençable. S'est excusé, il a dit, il aurait dû me dire non. Ben oui, c'était un peu de sa faute au fond. Ben oui, hein, toujours la faute de l'autre. Voilà. Ben oui. En numéro 2. La côte de bœuf la plus chère du monde a 15 ans d'âge et se paye 3000 euros. Ça si vous voulez une idée pour ça. Mon anniversaire. Ouais. Combien? 3000 euros. Ah oui, ok, on va faire vous un crowdfunding. Vous mettre à plusieurs. Ah oui. Et donc, elle est tellement tendre, cette viande, qu'elle se coupe à la fourchette. Bon, elle est restée 15 ans dans, à moins 43 degrés avec un vent qui souffle à 120 km/h dessus. Ouais. Donc ça coûte cher en électricité. Personne ne l'a goûté, cette viande. Encore. Ah bah imaginez si, bien sûr, c'est une célèbre boucherie, la boucherie Paulmain, rue de l'Abbaye, dans le 6e arrondissement de Paris, qui fait ça de père en fils. Avec toute la pollution qu'il doit y avoir. Et donc, à Paris, on la coupe à la fourchette tellement étendre. Et le dépeceur de Mons est fasciné par cette technique, lui qui faisait tout à la scie à métaux. Eh ben. Mais donc, 3000 euros. 3000 euros. Ah ben, c'est bon à savoir, mon Raoul. Allez, en numéro 1. Numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. C'est long, dit la nouvelle doyenne des Français. Ah oui. Elisabeth Collot a 113 ans. Bonjour Elisabeth, et alors cette petite santé? Je m'emmerde. Vous vivez avec votre fils de 82 ans? Oui, il m'emmerde. Et vous êtes veuve depuis 36 ans? Hein, Roger? Qu'est-ce qu'il était emmerdant celui-là? Et vos enfants vous font faire des tours en voiture pendant 1h30 tous les jours? Oui, sinon je m'emmerde, monsieur. Et je comprends, vous avez encore un petit mot à dire? Oui. C'est long, mais que c'est long. Je m'emmerde, monsieur. Est-ce qu'elle a dit exactement? Et c'est vrai. Ah bah c'est beau. Elle a dit c'est long. Le reste, j'ai un peu... Vous avez un peu édulcoré, on va dire, un c'est comme petit ça. Peu. Merci mais à Raoul Reyers. Elle existe vraiment. Pour ce top 3, et on salue la doyenne française. 113 ans. On l'embrasse. Et tous les doyens, de manière générale, hein, faut pas les exclure. Hein, Raoul? Sauf certains doyens de certaines paroisses. Qu'on embrasse. En attendant, on va s'intéresser et continuer à s'intéresser à l'actualité avec vous. Vous inscrivez, vous envoyez ces trois lettres CPS au 6031. On joue ensemble au qui a dit cette phrase que je vous rappelle. J'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal. Journal que nous allons ouvrir dans quelques minutes avec Anina Meus qui vous informe à 16h30. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La première et Ouf TV présente l'expo WOW, le mouvement comme vous ne l'avez jamais vu. Tigres qui bondissent, zèbres qui galopent, lionnes en chasse, tous arrêtés en pleine action. Des scènes spectaculaires de taxidermie acrobatique, une expo d'une beauté sauvage à vous couper le souffle. Au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles, avec le journal Le Soir. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire? Mi daresti la crema solare? Je t'enduis le dos? E la spalmo sulla schiena? Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Mieux que des soldes chez Stellemans, 50% du stock doit partir. Des prix défiant toute concurrence sur écran LED, OLED, 4K, électro, Hi-Fi. Stellemans. OLED, LED, électro, Hi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Allez, prêt pour un marathon de soldes? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. La première. 16h30. Pour vous informer, Anine Améus, bonjour. Bonjour. Entre 30 mois et 16 ans de prison, les membres de la cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 à Verviers sont désormais fixés sur leur sort. 16 personnes ont ainsi été condamnées dans ce dossier en tant que membres ou en tant que dirigeants d'un groupe terroriste. Les prévenus étaient accusés d'avoir été en contact constant avec le groupe État islamique en Syrie via Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats de Verviers. Les prévenus étaient aussi accusés de préparer un attentat en Belgique. L'aéroport de Zaventem était d'ailleurs une de leurs cibles potentielles, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le juge. En France, une prise d'otage est en cours dans une prison du Pas-de-Calais. Deux détenus ont pris un gardien en otage. Des négociations ont été entamées par le personnel, ceci en attendant l'intervention du RAID. En tennis à Wimbledon, Venus Williams est en demi-finale pour la première fois depuis 2009. Elle affrontera Angélique Kerber dans cette demi-finale. Les deux autres quarts de finale dames sont actuellement en cours. Merci Anina. Retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Ah, de l'actu revue et corrigée par ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui vous font le plaisir de vous accompagner tout au long de cette fin d'après-midi. Je vous souhaite excellente à l'écoute de la première. Oui, ils sont presque sérieux. Il y a Vincent Flibustier, il y a Cynthia Isarelli, il y a Pierre Charat, il y a Corentin Candy, il y a Raoul Reers et quelqu'un que nous avons au bout du fil. Et bien entendu, cette personne, je ne connais pas son prénom, puisque Lachelès ne m'a toujours pas apporté son prénom. Mais on va l'appeler demander. Roger, comme ça, messieurs. On va demander. Bonjour, vous appelez comment? Roger. Et vous appelez vraiment Roger ou pas? Non. C'est Simon. C'est Simon, mais on va vous appeler Roger, Simon, d'accord? D'accord. Voilà, alors Roger, dites-moi un petit peu, vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où? Je viens de Saint-Aubin, près de Florène. Ah, je connais bien cette ville, Saint-Aubin. Surtout vous. Oui, surtout moi. Et nous allons nous intéresser à l'actualité, mon cher Roger, pour vous offrir ce fameux jeu aux éditions Repos Prod, Seven's Wonders Duel. Une question, une formalité. Une question, c'est moi qui vous la pose. Qui aurait pu dire « J'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal ». Nous allons vous faire des propositions. À vous de déterminer parmi toutes les propositions qui a la bonne réponse. On va demander à Corentin Candy. Eh bien, c'est le père d'Anne Frank. Einstein Frank, il a découvert que sa fille n'aimait pas les brocolis et qu'il était juif en lisant son journal. Père d'Anne Frank, Einstein Frank. Ouais. Pourquoi pas? À un moment donné, vous n'êtes pas tout seul dans votre tête, vous? Non. Mais on comprend. Ouais. Cynthia Isarelli qui aurait pu dire « J'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal ». C'est Lukaku en parlant de l'animation des Diables Rouges. Lukaku. Pierre Chorette. Pas du tout, il s'agit de Marc Wilmot qui a dit ça à propos de Laurent Simon. Laurent Simon qui avait ironisé lui-même sur Marc Wilmot à la télé canadienne en déclarant « Peut-être ne savait-on pas que je pouvais jouer au poste qui posait problème ». Et donc Marc Wilmot a découvert cette histoire en ouvrant le journal. Elle a découvert dans le journal que Laurent Simon pouvait jouer aussi défenseur central. J'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal. Raoul Reyers. Eh bien, c'est Sa Majesté la Reine Elisabeth qui a enfin découvert le Brexit dans le Guardian, qu'elle lit généralement une semaine en retard. Mmh. Elle aurait déclaré « What the fuck ?» Mais c'est très rare. Oui. Et enfin, j'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal. Vincent Flibustier. Ben, c'est Zakia Katabi, coprésidente d'Écolo, qui a découvert qu'un journal avait inventé que plein de gens des plein de partis chercheraient à faire un rassemblement entre CDH, Défi et Écolo. Ça donnerait les écologistes confédérés pour l'organisation de lutte originale démocrate fédéraliste indépendante du Centre démocrate humaniste. Oh ouais, c'est beau. C'est et Roger qui est avec nous. Roger de Saint-Aubin. Mon cher Roger, je vous rappelle les propositions, cette phrase. J'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal. Alors, on a... Einstein Frank. Einstein Frank, le père d'Anne Frank. Lukaku, Mark Wilmots, la reine Elisabeth II ou Zakia Katabi, procédant par élimination, mon cher Roger. Alias Simon, bien sûr. On va éliminer Einstein Frank. Oui, on va l'éliminer, bien sûr. Éliminer deux fois dans sa vie. Voilà. On va. Alors, qui souhaitez-vous d'autre? Qui souhaitez-vous éliminer d'autre? Dites-nous. La reine Elisabeth. Oui, parce qu'elle dit pas ça, parce que c'est pas son style. Il y en a qui seraient contents. Il reste Lukaku, Lumoatsu, Zakia Katabi. Ouais, Romelu Lukaku, on va l'éliminer aussi. Ah, ouais. On va aller loin. Faites déjà mieux que Mark Wilmots. On ira en finale. Ouais. Il reste Wilmots et Zakia Katabi. Qui aurait pu dire j'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal? J'éliminerai Zakia Katabi aussi. Ouais, et vous gardez Mark Wilmots. Voilà. Vous êtes bien le seul à garder Mark Wilmots. Alors, dites-moi un petit peu. Vous pouvez toujours changer, hein, je veux dire, tout est possible dans la vie, vous savez. C'est jamais. Un malentendu est si vite arrivé. Vous me conseillez donc de changer. Alors, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ce que j'ai dit. Allez voir du côté de la Zaya du football belge. C'est Zakia. Taisez-vous, vous. On va encore avoir des ennuis. Qu'on embrasse d'ailleurs au passage, qui nous écoute. Zaya. Elle est charmante, elle est très très sympa. Mais vous lui direz devant. De qui parle-t-on? On parle de Zaya ou de Zakia? Je ne sais pas. Non, mais elle va vraiment. Zakia Katabi nous écoute tout le temps, donc elle vous entend vraiment. Elle est vraiment charmante. Non, mais elle est vraiment charmante. Oui, oui, oui. Vous entendez ça, Zaya aussi. Je l'ai rencontrée au spectacle de Guillermo Guise, elle était charmante. Ah ben voilà, comme ça on sait tout, mon cher Corentin Candy. Zakia Katabi ou Mark Wilmots? Dites-nous tout, mon cher Roger. Zakia Katabi. À tout hasard. Alors à tout hasard, je veux dire, vous pouvez toujours changer. Pas bête, Roger. Alors, qu'est-ce que vous faites, définitivement, maintenant? Si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, c'est le principe de cette émission en fait. Si vous vous trompez, vous gagnez quand même. C'est juste pour le plaisir de. C'est plus juste pour le plaisir de jouer, de passer un bon moment. Si avec jamais vous perdez, on vous envoie un pull de Zakia Katabi. Il ne lui restera alors plus que 3 habits. Et alors ce qui. C'est bien, ouais. Pas bien mal, joué. Katabi, faites ma blague. Alors, vous savez quoi, je vais envoyer Corentin et Vincent Flibustier. Faire des blagues dans votre salon. Non, on va. C'est ce que vous recevrez comme cadeau si au vous goulag. Perdez. Voilà, c'est vraiment. Pendant une heure. Pendant une heure, un festival de blagues à la hauteur de nos deux illustres chroniqueurs. Génial. Allez, Madame Katabi. Vous dites Madame Katabi. Eh, bravo, effectivement. C'est gagné, effectivement, la coprésidente d'Écolo, Zakia Katabi, qu'on embrasse encore une fois au passage, n'était pas au courant de l'idée donc d'alliance du centre évoquée hier dans le quotidien La Libre Belgique. Elle a déclaré, j'ai découvert cette histoire en ouvrant le journal. Je suis pour le moins surprise, nous ne sommes pas un parti du centre, c'est-à-dire un parti qui fait la synthèse de la gauche et de la droite, mais un parti écologiste qui porte haut et fort les couleurs de l'écologie en alliance avec Groen et aucun autre parti. Pour sa part, Olivier Minguin du Défi a dit « Je suis tombé des nues ». Voilà, c'est pas mal ça, tomber des nues. C'est joli. Voilà. Et le CDH, lui, ne s'est pas exprimé. Certains donc observent toutefois une reconfiguration de la mesure, dans la mesure où en tout cas le PS, poussé par le PTB, se repositionne plus à gauche et le MR, en alliance avec la NVA, se droitise. L'espace donc au centre est donc plus dégagé, ce qui pourrait donc faire pas mal de surprises dans la suite du paysage politique belge. C'est donc gagné, mon cher Simon. On va vous appeler cette fois-ci par votre prénom véridique. Mon cher Simon, on vous envoie du côté de Saint-Aubin, ce magnifique jeu aux éditions Repoprod, Seven Wonders Duel. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux, Simon. Merci, ouais. Je peux aussi avoir Vincent et Corentin pendant une heure. Avec grand plaisir. Écoutez, on va le négocier. Parce qu'on va pour la saison prochaine offrir le spectacle d'Edgar chez vous à la maison. Et on pourrait offrir Vincent et Corentin qui viendront faire la vaisselle à la maison. Ça pourrait être bien. En tout cas, merci à vous, mon cher Simon. Et on va continuer à s'intéresser à l'actualité. Avec, on parlait de Marc Wilmots, on a beaucoup tergiversé, on a beaucoup hésité. Eh bien, on ne va plus hésiter du tout. On parle de ce fameux ennemi public numéro 1, vu et corrigé par Corentin Candy. On est en train de travailler beaucoup, aussi bien en piscine. Donc, vélo. Il y a aujourd'hui Raja et Thomas Meunier vont aller faire du mountain bike. Depuis une semaine, on ne trouve plus la moindre trace de l'ennemi public numéro 1. Justine, vous nous rejoignez en plateau. Alors, d'après vos dernières informations, l'ennemi public numéro 1 aurait été aperçu pour la dernière fois pas très loin de Lille, n'est-ce pas Justine? Eh oui, effectivement, je vous rejoins en plateau. Imitation Je vous rejoins en plateau, sinon on ne voit pas que je suis lavé et maquillé. Alors, selon nos dernières informations, on ne sait pas actuellement si l'ennemi public se trouve toujours en Belgique ou s'il a déjà pu rejoindre la Syrie. On aurait vu donc le nouvel ennemi public Marc Wilmots, porteur d'une ceinture de Miss aux abords des stades de Lyon et de Lille. Les stadiers n'ont rien pu faire pour l'empêcher d'entrer. Bon, la suite est connue. Une fois à l'intérieur, il a perpétré un carnage tactique. À sa décharge, on apprend aujourd'hui par Georges Dalmagne que sur la pelouse, à 2 mètres du drame, il y avait 8 militaires en armes, 8 défenseurs. Pas un n'a bougé. Ils ont laissé les footballistes gallois exécuter Courtois sans bouger. On avait déjà les frères Abdeslam, on avait les frères Kouachi. Toujours plus dans l'horreur, on avait les frères Taloche. On a désormais les frères Lukaku. Enfin, pas d'amalgame. Un entraîneur n'est pas un entraîniste. On sait, grâce à Sud Torchon, qu'il y a dans notre pays 780 000 entraîneurs qui vivent leur foi de manière respectueuse. Et puis, on a quand même battu Andorre et Chypre en 2 ans, Wilmot style. Hélas, on rencontre 3 fois le Pays de Galles en 2 ans, et en 2 ans, aucune victoire. Dès qu'on tombe sur une équipe d'un pays de plus de 2 millions d'habitants, dont les joueurs ne sont pas tous boulangers, profs de religion ou comptables, on prend cher. Tout le monde aimerait qu'on retrouve l'homme, à présent, qui doit porter le chapeau. Je l'entendais encore ce matin. On aurait dû arrêter Marc Wilmots quand on a démantelé la cellule de Verviers. Hélas, il a dû coucher avec De Kersmaeker, dit la Murène paraplégique, et il a échappé aux inspecteurs. Marc Wilmots rentre directement au Ezel, c'est-à-dire au Panthéon, dans le cœur des Belges, aux côtés de Léon de Grêle, du pasteur Pandy, d'Innovation et de Bois du Casier. Dans ce Panthéon, on a désormais 2 Marc, Marc D et Marc W, nos Dupont D et Dupont T à nous. Comment on n'a pas réussi à l'empêcher de mettre à mal nos défenses? On commence à en savoir un peu plus. Il a déclaré, je cite, vous savez, mandat international, recherché par toutes les polices d'Europe, tout ça, ça ne veut rien dire. Je passais tous les jours devant les militaires et les policiers avec une casquette. Les plus grands talents n'empêcheront jamais les défaites humiliantes. Il suffit d'un Lukaku devant, d'un Lukaku derrière. Et la sécurité n'existera jamais dans les faits. Voilà ce qu'il a déclaré. Plus personne n'a vu Marc Wilmots depuis vendredi passé. Les caméras de surveillance l'ont suivi depuis sa fuite de l'aéroport. Il est parti à pied. On l'a vu abandonner sa veste claire avec T1 écrit au niveau de la poitrine. Et on perd sa trace un peu après la place Mézières. On espère évidemment qu'il sera attrapé vivant. Il a beaucoup de choses à nous apprendre sur ses réseaux. On pourra également procéder à l'analyse d'un encéphalogramme presque plat. Alors pour parvenir à rester caché aussi longtemps, les services de police supposent qu'il doit bénéficier d'un large soutien dans sa communauté. Il doit se terrer du côté de Donjolbert ou de Jodogne. Vous allez voir que Wilmots, on le retrouvera finalement à moins de 500 mètres de la maison familiale. Quand je pense qu'on a ignoré tous les signes avant-coureurs, il avait déjà mis Witzel bac droit contre la Suisse. On n'avait battu personne depuis 2 ans à part Chypre et Andorre. La police avait retrouvé chez lui un drapeau du Pays de Galles et le livre de Raymond Al Goutals, Comment devenir entraîneur pour les nuls. On l'a convoqué. Il a dit que c'était pour un ami. Il a nié qu'il fréquentait les frères Lukaku. Et on a classé le dossier. 6 mois plus tard, c'était Lyon. 6 mois plus tard, c'était Lille. Personne n'a rien fait, alors que la police avait toutes les informations en main. Il s'est radicalisé. Walid, il voulait absolument jouer avec Lukaku. Il était dans son monde. On est 5 jours plus tard. Il est toujours là, parmi nous. Comme si de rien n'était. Aucun sens de l'honneur. Parce qu'en Angleterre, on a un autre sens de l'honneur. C'est très bien écrit. Nigel Farage, on aime ou on n'aime pas, mais le mec il gagne tout, juste après il démissionne, il gagne tout ce qu'il voulait gagner. Nigel Farage, c'est l'Islande qui met 7-0 à l'Italie. Vous avez pas barré ça? Oui, j'avais barré. 4-0 à la France, mais je suis trop content d'être avec vous. 8-0 à l'Espagne, 12-0 à l'Allemagne, mais le mec, dès la sortie de l'Euro, après une victoire, il démissionne. Ça a de la gueule, ça. Bref, on avait Marc Dutroux et Laurent Louis. On a toujours Laurent Louis, mais Marc Wilmots a pris la place de l'autre dans le cœur des Belges. C'est ça, mon drame. Quand je pense que mon père. Dans le hall cœur, je veux dire. Ouais. C'est ça mon drame, quand je pense que mon père a dû choisir entre Sartre et Camus, et que moi je dois choisir entre Powell et Wilmots. Alors j'ai choisi Wilmots, je l'ai appelé avant de venir, voilà ce qu'il me dit. Ou alors tu pleures et tu vas en dépression, mais j'ai pas envie de devenir dépressif. Pas encore. Je compte sur vous pour me le faire devenir. Et voilà. Merci Corentin. Pour toi Marc. C'est bien, c'est beau. C'est bien les réunions qu'on a ensemble les week-ends. Vous savez, on redétermine un petit peu comment, en tout cas la durée d'une chronique. En tout cas, il s'améliore. Trois pages. Les gens ne voient pas Corentin. Non, les gens ne voient pas. Les gens ont un chrono. Et on m'avait dit 2 en Ariel 14. J'ai fait 3 en Ariel 14. Bon, mais bah c'est pour ça que c'était 2 en Ariel 14. Mais c'est bien. L'important, c'est de progresser. Vous progressez. On passe de 8 à 3. Vous revenez la prochaine fois. Ce garçon détruit de semaine en semaine la forêt amazonienne. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Retrouver sa séquence et sa chronique. Et bien entendu, il ne pense pas un très trop mot de ce qu'il a dit. Ah non, bisous Marc. Voilà. Allez, on reste presque sérieux. Je vous invite à jouer avec nous dans la suite. On a extrait un mot du quotidien. On a des définitions à vous proposer. C'est le presque jeu dédico, une clé USB, un battle book de plage spécial années 80, l'album Anomalie de Louise Attaque. Voilà tous les cadeaux que nous vous offrons en vous inscrivant CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et une presque star qui se profile à l'horizon également. C'est le menu de la suite de C'est presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. La Une présente le Vaurire, le Festival international du rire de Liège. Du 20 au 23 octobre, 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, Le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vaurire.be, avec le soutien de la première. Profitez du coucher de soleil. Ah, oh, le soleil. Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Arte Belgique est la première présente. Beaux-Arts Expo. Le mur de Berlin a aussi été un mur entre les artistes. Beaux-Arts présente un aperçu des plus importants courants artistiques des deux côtés du rideau de fer. Action painting, art médiatique ou conceptuel. Facing the future jusqu'au 25 septembre. Info Beaux-Arts.be. La première et la deux présentent le 40e Bruxelles Folk and Jazz Festival. 14 groupes, plus de 100 artistes sur deux scènes et le Bruxelles Kids Festival. Avec musique, cirque et animation. Dans le cadre féerique du Théâtre de Verdure, près de l'Atomium, les samedis 9 et dimanche 10 juillet. Info, bruxelles.be. Avec la Libre. La première, Mobile Info. 16h46, Pierre Collard-Bovie. On jette un œil sur nos conditions de circulation. Oui, avec toujours ces ralentissements dans la plupart des tunnels de la capitale à l'heure qu'il est, puis ces petits ralentissements sur le ring de Bruxelles, 17 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, zone de travaux, et 11 minutes supplémentaires également pour l'intérieur au titre Grand Bigard, zone de travaux également, 12 minutes pour l'intérieur, 12 minutes supplémentaires bien sûr, pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, toujours en cours apparemment. Cet accident sur le 1403 Bruges tournait au terme de Templeuve, c'est une bande de circulation qui est neutralisée en direction de Tournai, et puis toujours ces quelques ralentissement, mais il s'amenuise pour l'instant sur le 17 contre Lille, à hauteur de Requiem. Une petite dizaine de minutes perdues maintenant en direction de Lille. Vous avez éternué à rhume ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et nous nous amusons avec l'actualité jusqu'à 17h30. Et un mot, le presque jeu dédico, c'est parti, c'est l'instant, c'est maintenant avec Monique de Boisfort. Bonjour Monique. Monique, vous êtes là Monique. Vous êtes partie Monique. Monique a disparu. Mais la musique est bien. Mais la musique est sympathique. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire les propositions et on va déterminer parmi les propositions qu'on aura celui qui repartira avec les fameux cadeaux. Je vous les rappelle, une clé USB, un battle book de plage spécial années 80 et l'album Anomalie de Louise Attaque. Le mot du jour, en lien avec l'actualité, c'est maltôte. C'est du wallon. Pourquoi vous riez, Corentin ? Maltôte. Alors justement, Corentin Candy. Eh bien, c'est une terrible gueule de bois en argot huclois. Comme dans l'expression bien connue du quartier Prince d'Orange, après 18 pims, mingati di maltôte. Une gueule de bois pour Corentin Candy. Pierre Charette, maltôte. Maltôte, du latin tolérer, enlever, prendre, ravir, à moins que l'étymologie ne vienne de malatolta, mauvais impôt. Le maltôte en Douara médiévale est une levée d'un impôt extraordinaire. Autant dire qu'on ne connaît pas de maltôte chez nous, puisqu'en Belgique, lever des impôts est quelque chose qui est loin d'être extraordinaire. Alain Maltôte. Fallait jouer, on avait dit pas de nom. Raoul Reyers. La maltôte est le nom de la case du chef de village du Club Med de Luxembourg-Ville. Qui s'appelle Ernst Hans King, qu'on appelle le King dans le village d'ailleurs. Et c'est le chef de village le plus blanc du monde, celui qui ne peut pas cacher qu'il a été recruté sur place. Son fort accent luxembourgeois ferait retomber la libido de n'importe quelle européenne, mais c'est beaucoup moins cher. Cindy Zarelli, maltôte. Vient de malt, malt, et de hot, hot en italien, 8. C'est une terme technique de brasserie qui désigne une bière qui est faite au moins 8 degrés et qui est à base de malt. Une bière à 8 degrés pour Cindy Zarelli. Et enfin, Vincent Flibustier, une maltote. Ben, c'est tout simplement le nom des habitants de Malte. On peut dire maltais ou maltote. Les maltotes, habitants de Malte. Alors c'est très simple, je rappelle les propositions et à vous de déterminer en envoyant simplement 1, 2, 3, 4 ou 5. Est-ce que c'est une gueule de bois en numéro 1? Est-ce que c'est un impôt en numéro 2? Est-ce que c'est une case d'un chef de village luxembourgeois en numéro 3, une bière à 8 degrés ou enfin un habitant, auquel cas vous enverrez 5, 1, 2, 3, 4, 5 par SMS au 60 31 75 centimes le message. Vous précédez ce numéro bien du code de l'émission CPS au 60 31, nom, prénom et adresse, et on vous rappellera après 17h pour faire le topo. Maltôte. À vous de le déterminer. 1, 2, 3, 4 ou 5, une gueule de bois, un impôt, la case d'un chef villageois du Luxembourg, une bière à 8 degrés ou un habitant, faites-vous plaisir. En attendant, eh bien, on va se faire plaisir avec une presque star dans un instant. Et puis, si on célébrait la vie, hein, si on célébrait la vie tout de suite. Sandra Kim? Non. Chose, là. Écoutez, ça vous dit quelque chose, ça? Ah oui. Comment? Chose. Allez, l'autre, là. Chose, là. Coldplay? Oui, c'est Coldplay, effectivement, avec Viva la Vida, une presque star dans la suite de C'est Presque Sérieux. Merci d'être à l'écoute de la première. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Ah, j'adore ce morceau. Ah, j'adore. Oui. Viva la vida, Coldplay, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. C'est presque sérieux sur la première. Ah, Chris Martin et ce morceau. Hein, Quentin Candy. Ah, magnifique. Oui. Ouais. Il n'y a même pas de quoi on parle. Je pensais que vous imitiez le chinois au début. Ah, j'adore ce morceau. Vous faites un peu le créole, là. Ah, merde. Entre le créole et le chinois, c'est à cause du match. Enfin. Ouais, bref. Ouais. En attendant, on va accueillir une presque star avant de revenir sur le presque jeu dédico avec ce mot maltôte. Je vous rappellerai tout à l'heure les propositions, mais nous accueillons Mathieu, notre presque star du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Walid. Vous allez bien? super. Alors, on parle de vous dans la presse. Pour quelle raison, Mathieu? Mais on va le découvrir d'ici quelques minutes. Nos chroniqueurs ont exactement 1 minute 30 pour le déterminer, puis on s'intéressera à la raison pour laquelle on parle de vous dans la presse. C'est parti, chers amis, allez-y, posez vos questions. Est-ce que Mathieu continue à toucher la pension de sa mère décédée il y a 8 ans? Non, pas du tout. Non. Est-ce que Mathieu est acteur? Mathieu est acteur, vous pensez à qui? Un roux qui joue dans une série belge. Mathieu de Batty. Voilà. Non, ça. C'est pas eux, non. Est-ce que Mathieu est artiste? Mathieu est artiste, non. Est-ce que Mathieu est alcoolique? Non. Héros. C'est le patron de Radio France? Non plus. Il est sportif? C'est pas sportif. Est-ce qu'il est belge? Il est belge, oui. Entrepreneur? Entrepreneur, oui. Il a inventé quelque chose? Oui. On peut avoir un indice? Il gagne de l'argent, oui. Et l'indice que vous voulez, c'est, allez, je vais vous dire, énergie. C'est un panneau solaire? C'est un panneau solaire? Non. Une batterie? Une batterie, non. Sa mère est une éolienne. Il mange? Pardon? Une éolienne. Une éolienne. Il a inventé une éolienne. Ça existait déjà, vous saviez ça? Il a inventé les piles rechargeables? Non plus. Il a inventé les batteries. C'est quelque chose pour consommer moins? C'est pour une consommer. Une éolienne qui marche sans soleil. C'est quelque chose que nous pouvons consommer tout court. Quand vous dites énergie, voilà, vous parlez d'une radio concurrente? Par exemple, non, pas du tout la radio, non. Comme les coureurs cyclistes, des piqûres qui font rouler plus vite, sauf que c'est pas des piqûres. Il a inventé des câbles électriques à déguster. Non plus. Du dopage? Dopage non plus. Des suppositoires? Un combustible suppositoire, non. Mon combustible n'avait rien à voir avec le suppositoire. Bon, on peut essayer, il faut inventer. On peut essayer. Ouais, il y a des choses que vous pouvez nous dire. Parler d'énergie. Ouais, ben non. Une méthode pour récupérer le méthane. On va creuser cette histoire de suppositoire et d'énergie avec Raoul Reyers hors antenne, parce que ça m'intéresse. Une Duracell dans le cul. Vous pouvez pas dire ça. Eh bien, vous savez quoi, les amis, c'est fini, c'est perdu. Ah ouais, je suis désolé, la minute 30 est passée. Et la raison pour laquelle on parle de Mathieu dans la presse, c'est un Bruxellois. Il est aux côtés de Laurent Karim. Ils sont prêts à commercialiser une boisson apaisante. On connaît tous le Red Bull, et bien ils ont inventé le Zendo qui contribue à une meilleure gestion du stress et à de bonnes capacités d'attention. C'est bien cela, mon cher c'est Mathieu? C'est une tisane en fait. Oui. Eh ben vous faites, c'est à base de thé, et il va nous en parler. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans le Zendo. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans Zendo? Au niveau des principes actifs, on va retrouver de la L-théanine, qui vient effectivement de la feuille de thé vert, qui est un acide aminé et qu'on parvient à isoler grâce à un procédé d'infusion à froid. Mm-hmm. On va retrouver une autre plante qui est la passiflore, qui est utilisée depuis bien longtemps dans nos contrées pour ses vertus apaisantes, du magnésium, l'antistress naturel. En plus, on est à peu près tous en déficit ici en Europe. Ouais. Et un complexe de vitamine B, B1, B5, B6, B9. Alors, c'est quoi? C'est un usage médical ou c'est monsieur, madame, tout le monde qui peuvent le consommer? Non, on l'a fait pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a déjà des trucs qui sont prévus, j'imagine, à usage médical. Nous, en fait, on a voulu faire ça parce que dans nos boulots respectifs, on était parfois un petit peu stressés. Et ben justement, on ne trouvait que des boissons énergisantes, du café, etc., etc. Et ce qu'on aurait voulu à ce moment-là, c'était l'inverse. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Et donc, c'est à consommer tous les jours, d'autant que il y a pas de sucre ajouté, il y a pas de conservateur, il y a pas de colorant, il y a pas d'arôme artificiel. Donc c'est totalement naturel et c'est belge. Ouais. Et c'est anti Red Bull qui sera commercialisé à Bruxelles, à Gand, Anvers, dans quelques restaurants également. On mettra toutes les informations sur le Facebook de l'émission et la page de la première. Ça vous coûtera entre 2,20€ et 2,80€ pour être déstressé. Ah ouais, mais ça vaut la peine, ça vaut la peine, c'est du belge. Ouais. En tout cas, vous étiez notre presque star du jour, mon cher Mathieu. Pour rappel, Zendo, une boisson énergisante, l'anti Red Bull, c'est du belge. T'es fier de vous avoir avec nous, mon cher Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous. On reste pas à Raoul. Hein. Oui, non, j'en donnerai pas à Raoul, c'est clair. Et nous, dans la suite, on s'informe. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Un nouveau smartphone? Ah oui, ça sonne bien, ça. Et une nouvelle robe? Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. La première présente My Body is a Cage, une exposition sur les multiples statures du corps humain dans l'art contemporain. Avec des œuvres de Nan Goldin, Giuseppe Pennone, Yves Klein, César et d'autres artistes phares de la collection du Musée d'art contemporain de Marseille. À découvrir au Grand Ornu jusqu'au 25 septembre. Info max.be. Coucou, c'est moi, Hip. Vous voulez profiter de votre terrasse pour un prix vraiment vert? Recevez maintenant, bam, 50% de réduction sur tous les meubles de jardin de votre hypermarché Carrefour. Action valable jusqu'à épuisement du stock. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Soir Mag présente Quiz Belgique. 4 livres pour tester votre culture belge. Des centaines de questions pour s'amuser ou rafraîchir ses connaissances. De la panne à Virton, d'Ambiorix à Albert II, d'Eddie Merckx à Justine Hénin. Redécouvrez la Belgique. Ce mercredi, premier volume, La Belle Histoire, au prix de 4,90€ seulement. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. La météo. Bonne fin de journée à tous. Les quelques faibles pluies ou bruines s'évacuent et cette nuit, on va retrouver un temps sec avec des minima compris entre 9 et 13 degrés. Demain, le ciel devrait assez rapidement se dégager avec de belles éclaircies. Le vent restera modéré de secteur nord-ouest. C'est pourquoi on ne dépassera pas 19 à 21 degrés dans le centre du pays, 17 sur les hauteurs et ce, malgré des éclaircies assez larges. À partir de jeudi, on garde les éclaircies et les températures grimperont entre 19 et localement 24 degrés. La Chimée dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir, c'est du jamais vu en Belgique dans ce type d'affaires. Les peines sont tombées cet après-midi au procès de la cellule djihadiste de Verviers. Les membres écopent de peine jusqu'à 16 ans de prison. L'accord de libre-échange Union européenne-Canada devra passer devant les parlements des États membres. Un accord commercial pour lequel plusieurs parlements, dont en Belgique, ont déjà affiché leur hostilité. Quelles sont vos conditions de circulation à cette heure-ci? On fait un point avec Pierre Collard-Bovy. Oui, Diane, avec quelques petits ralentissements sur la ligne de Bruxelles, mais c'est vraiment modéré. 16 minutes en plus pour l'extérieur Grand Bigard au titre et 10 minutes pour l'intérieur Saint-Ventem Carrefour-Léonard. Et attention, une chaussée fermée pour un accident grave sur la nationale 64. Oui, à nu à hauteur de Brève, la chaussée est fermée, ce qui engendre de gros embarras de circulation dans les deux directions. Entre 16 ans et 30 mois de prison pour les 16 prévenus de la cellule terroriste de Verviers. Les trois principaux prévenus sont condamnés à des peines allant jusqu'à 16 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ils sont reconnus coupables d'appartenance au groupe terroriste État islamique et de tentative d'assassinat terroriste. Xavier Carrette est l'avocat de Soued El Abdi. Manifestement, Paris et Bruxelles ont énormément impressionné, je crois, les magistrats et donc ils montent dans les tours au niveau des peines. Mon sentiment, c'est qu'à vouloir faire de la justice pour l'exemple, c'est certainement pas une bonne justice et c'est pas ça qui va arrêter les choses. Depuis ce qui s'est passé, je crois que c'est des réactions humaines. Le problème, c'est que la justice, c'est évidemment une justice d'hommes, mais c'est avant tout des juges. Et les juges doivent pouvoir être objectifs par rapport aux choses et ne pas réagir subjectivement ou par réaction par rapport aux choses. Pour vous, la figure d'Abdennabid Abaoud, elle a pesé sur ce procès? Énormément. Trop pesé. En fait, ils auraient aimé pouvoir le juger. Ils ne le jugent pas. Et donc, on en parle. On a vraiment alimenté pour apporter une chape de plomb sur cette affaire et finalement arriver à la sanction qu'on connaît, c'est-à-dire 16 ans de prison. Enfin, j'ai quand même quelque chose qu'on n'a jamais entendu ici, à Bruxelles. Hein. Une interview signée Fabrice Gérard. Les 16 prévenus de la cellule de Verviers étaient notamment accusés d'avoir été en contact avec le groupe terroriste État islamique en Syrie via Abdelhamid Abaoud. Ce dernier est l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre à Paris. Il a été tué le 18 novembre dans l'assaut par la police de l'appartement de Saint-Denis en banlieue parisienne où il se cachait. La France n'était pas prête. C'est le constat qui transparaît des conclusions de la commission d'enquête. Commission qui s'est penchée sur les attaques terroristes qui ont secoué Paris en 2015. Cette commission pointe notamment le manque de coordination des services de renseignement. La commission qui a procédé à près de 200 heures d'audition au cours des 5 derniers mois a proposé notamment la création d'une agence nationale de lutte contre le terrorisme. Deux chiffres pour suivre. 12,5% des Belges ne sont jamais en contact avec Internet et 18% des ménages n'ont pas de connexion. Des chiffres tirés du baromètre de la Société de l'information. Il a été publié ce mardi. Martial Giot a rencontré ces personnes déconnectées de fait ou par choix. On est déjà d'une génération où on n'est pas né avec l'informatique, donc il faut prendre des cours. J'ai pas beaucoup le temps à aller au cours d'informatique, je préfère passer quelques heures avec mes petits-fils. Comme on est en fin de carrière pour notre commerce, nous n'avons pas jugé bon de suivre tout à l'informatique. On écrit tout à la main, sur le papier, et moi tout ce que j'ai écrit, je vois, tandis que l'informatique, quand ça tombe en panne, on est bien emmerdé. L'ordinateur, vous en possédez un, mais vraiment pour une utilisation très, très limitée. Surtout pas des paiements ou même des achats, parce que je ne sais pas utiliser ce modèle de paiement et que je ne veux pas utiliser, parce que je n'ai pas confiance dans tout ce qui gravite autour de l'ordinateur. Je continue à faire mes virements en papier. Ça ne me gêne absolument pas de faire toutes ces transcriptions. Ne connaissant pas suffisamment l'informatique, je dois dire que c'est un manque de confiance dans toutes les transmissions, en mettant tous les numéros et ainsi de suite, et de ne pas avoir de papier de preuve. Quand on prend un petit peu de linge, on n'a pas tendance à se recycler. D'autant plus que j'ai deux fils qui sont informaticiens. Les petits-enfants qui en connaissent beaucoup plus que moi, ça m'aide très fortement. Et comment rattraper son retard quand on se sent dépassé par les évolutions informatiques? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première. Vous pouvez réagir dès à présent en nous appelant au 02 737 33 33. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir via Twitter avec le hashtag Matin1. Le CETA doit être ratifié par les parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne. Cet accord de libre-échange entre l'Union et le Canada supprime les barrières tarifaires et les barrières réglementaires pour les produits et les services. Depuis plusieurs mois, la Commission et les États membres étaient en conflit. La Commission estimait qu'une simple ratification par les gouvernements et le Parlement européen suffisait. Mais la Commission a finalement cédé devant la mobilisation de l'opinion publique, mais aussi la mobilisation à blanc-pain de certains États. Juridiquement, précise la commissaire européenne chargée du dossier, Cecilia Malmström, l'accord avec le Canada est bien un accord de compétences exclusives européennes, qui ne nécessite que l'accord des 28 gouvernements et du Parlement européen. Mais ok, dit-elle, il y a un contexte politique difficile, une demande de la plupart des États d'y associer leurs parlements nationaux. Nous sommes d'accord d'en faire un accord mixte, c'est-à-dire un accord qui exige la ratification des États, de leurs parlements nationaux et parfois régionaux, et du Parlement européen. Résultat, cette ratification peut facilement prendre plusieurs années ou tout simplement ne jamais aboutir. La Commission européenne propose dès lors que les gouvernements paraphent l'accord, le transmettent pour ratification à leur Parlement et qu'en attendant l'approbation parlementaire, certains éléments de cet accord de libre-échange puissent déjà entrer en vigueur de manière temporaire. Ça a déjà été le cas dans le passé, cela concerne certains chapitres, mais parfois cela peut concerner près de 80% de ce qui se trouve dans l'accord. Les États membres vont maintenant devoir donner leur avis sur ces propositions de la Commission européenne. Les coureurs du Tour de France arrivent en Haute-Vienne. La quatrième étape entre Saumur et Limoges est la plus longue de la course. C'était la plus longue de la course, 237,5 km. Bonsoir Pierre Capard. Bonsoir Diane. Vous suivez la course, et bien voilà, ça y est, c'est fait. Les coureurs viennent tout juste de franchir la ligne d'arrivée. Qui l'a emporté ? Effectivement, eh bien, vous avez raison de le dire, c'était la plus longue parce que c'est terminé et c'est Marcel Kittel qui l'a emporté. Une fois encore, cela s'est joué au sprint, un sprint massif. Quatrième étape, quatrième sprint ici et un sprint massif en plein cœur de Limoges. Et c'est l'Allemand donc Marcel Kittel de l'équipe belge Etix Quickstep qui s'est imposé sur le fil devant le Français Brian Coquard de la formation Direct Energy. Comme hier, cela s'est joué à la photo finish et Kittel s'impose pour quelques centimètres à peine à la troisième place. Eh bien, on retrouve, et ce n'est pas une surprise, Peter Sagan, le champion du monde qui assure du même coup son maillot jaune de leader. Le Slovaque repartira donc demain en jaune de Limoges et cela pour la troisième journée consécutive. Et on vous retrouvera évidemment demain. Merci Pierre. En tennis, on connaît l'affiche de la première demi-finale dames à Wimbledon. Venus Williams affrontera Angélique Kerber. Les deux autres quarts de finale ont commencé. D'un côté, Serena Williams contre la Russe Pavlyuchenkova. L'Américaine a remporté le premier set. Et l'autre quart, c'est la Slovaque Sibulkova qui rencontre la Russe Vesnina. Et c'est la Russe qui a emporté le premier set. Merci de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et à cette heure-ci sur la première, c'est toujours presque sérieux. Pavlyuchenkova. Oh, vous l'avez bien dit. Allez-y. Pavlyuchenkova. Bah écoutez, oui, je crois que j'ai rajouté. On verra ça à 18h. J'ai rajouté des voyelles. On sera, ça, on sera au rendez-vous. Merci en tout cas. J'espère Diane. Qu'elle ne va pas gagner. Je pas dire. C'est pas mal. Merci de nous avoir informé. Retour de l'info tout à l'heure à 18h et à 17h30, surtout avec Soir Première. D'ici là, nous sommes presque sérieux. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Oui, ils sont presque sérieux. Vincent Flibustier est là, des histoires dans quelques minutes. Ça va, Vincent ? Oh oui ! Il y a Cynthia Ezarelli qui nous parlera de Camping 3. Elle est toujours là, Cynthia. Il y a Corentin Candy. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour Walid. Bonjour Corentin Candy. Il y a Pierre Charette. Hey, salut. Il y a Raoul Reyers. Bonjour Walid. Et nous avons quelqu'un au bout du fil avant le presque un jour dans l'histoire, avant de revenir sur la date de ce 5 juillet, avant de nous intéresser au sommaire justement que vous fixe Laurent de Hausset demain entre 13h30 et 14h30 sur la première. Nous avons quelqu'un au bout du fil et cette personne s'appelle. Allô ? Allô, bonjour. Vous vous appelez comment ? Bonjour l'équipe. Vous vous appelez Roger. Roger, c'est ça. On a décidé d'appeler tout le monde aujourd'hui à Roger. Tout le monde s'appellera Roger. Frédéric, vous venez d'où exactement ? De Flobecq. Flobecq. Très belle ville, Flobecq. Ah oui, très belle ville. C'est pas un Rudy Demotte. Non, Rudy Demotte habite pas loin de Flobecq. Oui, ouais, mais non, il a habité Flobecq et maintenant il habite Tournai. Ah oui, Tournai, parce qu'il est bourgmestre là-bas, donc il est obligé d'habiter. Et t'habites Tournai. On devient un peu potache. Oui. Alors, on l'avoue. Alors, mon cher Frédéric, vous avez eu le temps de googler, comme on dit dans le jargon 2.0 aujourd'hui, pour bien nous donner la définition du mot que nous avons proposé, maltôte. Pas du tout, parce que je suis derrière le volant de mon bus. Ah. Donc je n'ai pas encore d'accès à internet installé dans le volant. Gueule de bois, impôt, case du chef du village Luxembourg, une bière à 8 degrés ou un habitant de la ville de Malte, le maltôte bien entendu. Maltôte, Kézako à votre avis ? Oh, je dirais l'impôt. L'impôt, effectivement, c'est une bonne réponse. En droit médiéval, une maltôte est un impôt extraordinaire qui s'appliquait à des biens de consommation courante, un genre d'impôt. Et pourquoi on parle de maltôte ? Eh bien, on rattache cela à la finance, puisque Moody's dégrade la perspective de la notation de la région Wallonne. L'agence de notation Moody's a dégradé il y a 3 jours la perspective de la notation de la région Wallonne de A1 perspective stable à A1 perspective négative. Moody's qui souligne donc principalement que malgré l'autonomie fiscale dont dispose la région, mais cette dernière n'a pas planifié de recettes supplémentaires pour atténuer les déficits budgétaires. Et Monsieur Lacroix, ministre des Finances de la région Wallonne, dit qu'il ne va pas imposer le contribuable en plus et que donc voilà, c'est à suivre. On verra, on va appeler Monsieur Moody's. En attendant, c'est gagné pour vous, mon cher Frédéric. Vous repartez avec une clé USB, un battle book de place spéciale années 80 et l'album Anomalie de Louise Attac. Continuez à nous écouter, restez presque sérieux, mon cher Frédéric. Puisque nous allons plonger avec vous et nos auditeurs chéris un petit peu partout dans le royaume, bien dans l'histoire. Car oui, maintenant, voici le jour dans l'histoire. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça ? Hey, Houston, on a un problème ici. L'histoire des langues régionales de Wallonie, c'est au menu demain entre 13h30 et 14h30 sur la première. Rendez-vous durant 60 minutes avec l'histoire et Laurent de Hausset. Laurent de Hausset qui a pris des vacances et donc du coup, on n'a pas sa voix. Par contre, je peux vous dire que le 5 juillet 1865, c'est la fondation d'un mouvement international protestant. À votre avis, lequel ? Protestant comme la religion ? Oui, comme la religion, effectivement. Ou un mouvement de protestation. Non, c'est protestant qui vient et qui... Bon, en tout cas, sa mission consiste à lutter contre la pauvreté. C'est Martin Luther King. Non, c'est pas Martin Luther King. C'est l'armée du salut. C'est l'armée du salut, effectivement, Vincent Flibustier. Oui, The Salvation Army en anglais, l'armée du salut, un mouvement fondé en 1865 par William Booth, bien entendu. Booth, oui. Booth, bien sûr. Comme les, c'est comme bien les à propos. Pourquoi ? Ben parce qu'il distribue quand même... De la nourriture. De la nourriture. Ben c'est vrai. Oui, je n'ai pas compris. Et tiens, vous savez d'où est originaire le salut militaire ? Quelqu'un doit le savoir autour de l'équipe, enfin dans l'équipe. Vous savez d'où est le fameux salut militaire où on a la main au niveau de la soleil. C'est pour pas voir. Non, alors il se disait bonjour comme ça en disant « Je te vois pas, t'es qui toi en fait ?» Non, c'est pas ça. Il y a un lien avec le Moyen-Âge. Allez, comme ça, je vous aide. Ah, c'est par rapport au casque. C'est effectivement ça. Et donc, pour voir, lorsqu'ils se croisaient en duel ou sur les chemins, les chevaliers relevaient la visière de leur aume, hein, afin de montrer leur visage et de se regarder dans les yeux en signe de respect, afin de s'identifier. Et donc, c'est resté dans l'air du temps. Et donc, on se salue comme ça pour cette raison-là, tout simplement. Parce qu'à l'époque, on levait le bras, c'est le bras tendu. On a pu le voir aussi dans certaines affiches des Jeux Olympiques. Mais ça a été très vite connoté nazi après-guerre. Mais avant, si vous allez regarder des affiches avant, c'était 1920, certaines affiches, on voyait les candidats lever la main tel le salut nazi. Donc après, ça a été retiré. Mais donc voilà, on apprend des choses dans cette émission. Ouais. Ah ouais, ouais. Et on va rentrer dans l'histoire avec un petit H, avec Vincent Flibustier. Petite tâche. Ouais. C'est vraiment une petite tâche. Vincent Flibustier, deux histoires. L'une d'entre elles est vraie, oui, mais laquelle? On va le découvrir tout de suite. Bonjour, messieurs Vincent. Première histoire, Vincent, on découvre avec vous l'une de ces deux histoires. Et oui, je vous parle évidemment aujourd'hui de djihad pour fêter l'attentat de Bagdad dont tout le monde se fout. Première histoire, je vous parle d'un fabuleux idiot, Hamdi Alghsi, un djihadiste australien qui a annulé son voyage en Syrie en dernière minute il y a quelque temps pour une bonne et simple raison. Voici en exclusivité la retranscription qui a été diffusée cette semaine au tribunal de Sydney, une retranscription que feront nos traducteurs officiels. Dit pour aller en toilette en Syrie, on fait comment? On a des matelas en mousse. Hein. Ah, ça va pas la tête. Sinon, tu peux faire ça dans un coin du bâtiment, si tu veux. Il n'y a pas de toilette du tout? Disons qu'il faut la faire naturelle, quoi. Tu peux aller dehors et t'accroupir, hop, lol. Il y a du papier, quand même. Non, il faut utiliser de l'eau, frère, enfin, quand il y en a. Et voilà, ça a bien été diffusé au tribunal. Et en apprenant ça, Hamid Alghsi a choisi que finalement le djihad, c'était pas top, a annulé son voyage. Voilà comment on empêche le djihad en faisant réaliser à ses petits cons que ça sera difficile de se coiffer, de s'habiller stylé ou d'être propre. Djihad en Australie, deuxième histoire. Eh bien, puisque c'est officiel, je vous le dis, pour refuser un rendez-vous, l'excuse « je peux pas, j'ai aquaponé » vient d'être remplacée par « je peux pas, j'ai djihad ». Et c'est exactement ce qu'a dit Javier Albloton, un jeune espagnol, pour annuler un rendez-vous avec sa copine pour aller boire des coups avec ses potes. Il a utilisé l'excuse « je peux pas, j'ai djihad ». Lo siento, tengo djihad. Problème, sa copine l'a dénoncé à la police, il a été arrêté et a passé 24 heures en garde à vue. Donc comme dirait le philosophe Stéphane Powels, si tu dis que tu vas faire le djihad, fais-le vraiment ou t'es une Jeannette. Djihad en Australie où cette excuse de Javier Blathon, « je peux pas, j'ai djihad », l'une de ces deux histoires est vraie. Oui, mais laquelle, Cindy Azarelli? La seconde. Ou deux? La seconde. Pierre Charette. Je m'aligne, la seconde. La seconde, Raoul Reyers. Elle est plaisante, la seconde. La seconde pour Raoul Reyers. L'unanimité peut-être avec Corentin Candy, première ou seconde. Je veux dire, la première pour essayer de ramasser la mise. Un joueur de poker, ouais. Un soupçonné qui est Corentin Candy. Roulement tambour pour découvrir à 17h16 l'histoire presque vraie du jour. Vincent, première ou seconde? Eh bien, mon cher Walid, c'est bien notre djihadiste australien qui a renoncé à son grand projet de djihad après avoir appelé des amis en Syrie et qui lui ont bien fait comprendre que l'hygiène, c'était pas top, qu'on gagnait que 60 dollars par mois de salaire, qu'il n'y avait pas de papier toilette et qu'il fallait dormir sur des matelas miteux. Donc voilà, comme quoi l'hygiène, le style et un petit peu de propreté, ça peut changer pas mal de discours et pas mal de convictions chez les gens. Eh bien voilà, merci pour ces histoires complètement farfelues mais qui sont dans l'histoire, tout simplement. Et on n'en fait pas presse, mais nous sommes presque sérieux. Et nous devons, c'est notre mission de service public, de parler de toute l'actualité, rien que l'actualité. Et justement, on ne pouvait pas passer à côté d'une autre actualité, celle culturelle, bien entendu. Vous allez vous rendre au cinéma pour regarder un film et nous allons peut-être vous conseiller, ou presque, Camping 3, c'est dans la suite. Voilà. Et c'est Cindy Aizarelli qui vous en parle dans C'est presque sérieux sur la première. Alors, on n'attend pas Patrick. C'est presque sérieux sur la première. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants? Faites appel au cours particulier à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. Educadomo.be. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Savez-vous qu'un investissement durable peut donner plus d'impact à votre argent? Un impact financier. Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique. Car les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique éthique et respectueuse de l'environnement. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Excusez-moi, vous pensez quoi du Brexit ? C'est génial, j'ai craqué. Ah, et vous avez craqué pourquoi ? Eh ben pour un break Mercedes classé. Noir, Gentalu, Airco, automatique, contrôlé et garanti par Mercedes et tout pour moins de 18 000 euros. C'est génial, non ? Les breaks qui font un hit cet été sont chez Nearly New Car. Faites vite votre choix sur nnc.be. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. Dis, je viens de renouveler mon abonnement tech. Moi, j'ai trouvé la solution. Je le fais via l'e-shop de chez moi. Trop pratique. Et moi, d'un self. Regarde, il y en a à côté de l'arrêt de bus. C'est super facile. Toi, tu veux toujours avoir le dernier mot. Hein. Avec un self ou l'e-shop, c'est facile de renouveler son abonnement. Si vous avez 65 ans ou plus, c'est seulement 36 euros par an. Easy. Simplicité sur toute la ligne. Allez, prêt pour un marathon de soldes ? Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. Les vrais breaks hit sont sur nnc.be. Il y a déjà un break Mercedes classé d'occasion récente à partir de 17 999 euros. Nearly New Car. Bye Mercedes-Benz. La première, Mobile Info. 17h presque 19, retrouvons bien Pierre Collard-Beauvy pour faire un point sur nos conditions de circulation. Ça roule, Pierre ? Oui, ça roule pas trop mal. Hein. Quelques ralentissements quand même dans les tunnels de la capitale, c'est tout à fait habituel. Plus 17 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, une zone de travaux. 10 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. 9 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Là aussi, c'est une zone de travaux et plus 9 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Accident sur le 40 Bruxelles-Gand, hauteur de Ternat, la bande de gauche est neutralisée. Il y a des files à partir de Grand Bigard, vous perdez une quinzaine de minutes en direction de Gand ou en direction de la côte, c'est comme vous l'entendez. Accident sur la nationale 64, 8 à nu à hauteur de Brève. La circulation s'effectue maintenant en alternance sur une seule voie, ce qui engendre évidemment des ralentissements, mais ça roule quand même. Et puis toujours ces 10 minutes perdues en direction de la France sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Réquem, entre Albeek et Réquem donc. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Dernière ligne droite pour cette émission avant 17h30, retour de l'information sérieuse. Cette fois-ci, ce sera emmené par Pierre-Yves Meugens pour Soir Première. Je rappelle que nous sommes avec vous jusqu'au 15 juillet et nous serons de retour le 22 août en pleine forme avec plein de nouvelles idées, avec plein de chroniques, avec le soleil en prime. Oui, et oui, mais tiens, en parlant de soleil, c'est les vacances et qui dit vacances dit camping pour certains. Alors sortez le pop-corn, on va parler de l'insubmersible camping. Alors vous avez vu le 1, vous avez vu le 2 et là, il y a le 3. Et le 3 qui fait ça le comble à notre grand désespoir. Voilà. Et quelle que soit l'issue de ce billet, je tiens avant tout à dire à tout le monde que j'ai une profonde admiration pour Franck Dubosc, que j'appelle l'homme le plus habile de France, celui qui a réussi à faire un métier de sa passion, à savoir courir partout en slip. Alors, je n'ai vu ni Camping 1 ni Camping 2, mais j'avais pouffé sur les tuches et je m'étais claqué la cuisse sur les ch'tis, donc j'avais prévu de vous parler du film Camping 3, qui cartonne en salle, vous venez de le dire. Seulement, voilà, faire la critique du film, ça impliquait que j'aille voir le film. Et franchement, 1, j'ai pas eu le temps, 2, on ne me paye pas assez pour ça. Donc, comme on est quand même des professionnels, j'ai réussi à m'entourer d'une équipe d'experts et on a mené tous ensemble une enquête consciencieuse avant d'écrire cette chronique. Et hey, meuf, on accepte les filles dans cette équipe. Dis, tu parles de quoi aujourd'hui ? Bah, de camping. Oh, sa mère, moi j'adore le camping, surtout à Braden. Ouais. Mais alors, dit-on camping là, mais c'est lequel le camping ? Il y en a plein sur Google. Bah, le camping 3. Ah, 3 ? Bah, pourquoi ? Est-ce que tu veux aller camper si loin alors qu'on en a plein en Ardennes ? C'est une région magnifique, dit, mais il faut aimer les Français. Mais non, mais 3, le chiffre ! Ah, le camping à 3, ça j'aime encore bien. Surtout à Braden. Bref, voilà. Après 17 pages de résultats Google et de nombreux quiproquos, nous avons enfin réussi à trouver un début de bande-annonce que nous avons visionné tous ensemble. Alors, je ne vais pas trop en dire pour ne pas vous gâcher le suspense, mais. Dès les premières images, on sent clairement la dimension film social de facture française hein, sur l'amitié intergénérationnelle, la tolérance, le partage, tout ça. Surtout que l'intrigue tourne autour de deux axes dramatiques majeurs, et quand je dis dramatique, je pèse mes mots, à savoir la BO signée Maître Gims et le balayage californien intégral de Franck Dubosc qui apparaît toutes les 32 images environ. Ah oui, j'ai eu peur, moi je pensais qu'il y avait encore de... Hey, il y a encore de l'eau pour le Ricard ? Oui, aussi, ouais, mais bon, ouais. Priorité. Oui, il y a des priorités, c'est vrai. Franck Dubosc, hein, donc pour qui, je répète, j'ai une profonde admiration, qui a réussi quand même à élever la beaufitude au rang d'art, s'imposant en outsider courageux dans un secteur où Jean-Marie Bigard tenait quand même jusqu'alors le haut du panier et se régnait sans partage. Alors, même sans avoir vu le film, on comprend vite, vu la générosité et l'intensité dramatique de ce film, on comprend que dans sa volonté de propager le rire ensemble autour d'un pastis merguez, Franck Dubosc est très très mal vécu, l'accueil mitigé mitigée réservée à son film lors du Marrakech du Rire, déplorant que le pays ait, je cite, 10 siècles de retard culturellement. Bon, des propos qu'il a depuis retirés dans sa grande magnanimité. Alors, quant à savoir si c'est Franck Dubosc et la masse qui s'en va remplir les salles obscures qui ont 10 siècles d'avance sur le Maroc, moi, c'est un terrain sur lequel je n'irai pas dresser ma tente et que je laisse à votre libre examen. Quant à moi, tout bien réfléchi, je n'irai pas dépenser mon pécule à aller voir Camping 3 et je le dépenserai à d'autres loisirs, car pour citer Jules Renard, je ne prétends pas avoir du goût, mais par contre, j'ai le dégoût, très sûr. Ah, Camping 3. Ah, quand à Candy, il m'a dit qu'il allait le voir le week-end prochain. Avec Jean. Quand à Candy, Woody Allen ou Franck Dubosc. L'adore les petits maillots. Le grand écart. Woody Allen ou Franck Dubosc. Vous imaginez Woody Allen sur la plage en petit maillot Ouais, Woody Allen a déjà fait des trucs. Oui, mais c'est vrai, on n'a pas envie de savoir. Je ne suis pas aussi beau que Woody Allen, mais je suis plus drôle. Moi, ce que j'aimerais bien voir, quand même, c'est Franck Dubosc dans un film de Woody Allen. Ah ouais, Carla Bruni l'a fait. Donc ah ouais, mais elle n'avait pas de texte. C'était ça, en fait. Elle avait trois lignes, je crois, quand même. Oui, ben, sur la table. C'était sur la table, les trois lignes. Ouais. Bon, allez, à 17h presque 24, c'est déjà presque la fin, avec le presque mot de la fin, les amis. Eh oui. Cette conversation est terminée. Un mot pour résumer une actualité que vous avez retenue pour nos auditeurs et que vous n'avez pas eu le temps de développer pour nous, et vous avez cette fois-ci bien le temps de nous en parler. Pierre Charette. Mensonge. Oui. Comme dans cette info. Oh, l'escroc. Il était en train de chercher et je l'ai pris par surprise. Non, pas du tout. Allez-y. Selon le site de fact-checking PolitiFact, ouais. 80% des déclarations de Donald Trump sont fausses. Il y a un dernier espoir que la phrase « Je me déclare candidat à la présidence des États-Unis » soit fausse aussi. Ah, donc, en fait, ils ont analysé pour bien comprendre l'article. 80%, c'est délirant. Parce que 80%, c'est vraiment énorme. La plupart des politiques doivent être, je ne sais pas, à 20-30% dire des trucs faux. Mais là, à 80%... Il y a plusieurs catégories. Il y a 60% qui rentrent dans la catégorie « faux et complètement délirant ». Mais si on ajoute la catégorie « plutôt faux », alors on tombe à 78%. Enfin, on monte à 78%. Donc, il surplombe tout le monde. Ah oui, oui. Là, c'est du haut vol, quoi. Et donc, on peut rappeler le principe de cette étude qui est basée donc simplement sur le faciès des gens et sur base de ça. Non, pas sur le faciès, hein, non, pas du tout. C'est un truc de fact-checking. Oui, donc ils ont juste analysé. Ils ont analysé toutes les sentences de Donald Trump et puis ils les ont comparées aux faits, quoi, simplement. Et donc ils se sont dit qu'à 80%, c'était un gros liar, comme on dit là-bas. Exactement. Quentin Cordy, presque au mot de la fin pour vous. Médine, parce que Daesh qui attaque l'Arabie Saoudite, qui applique la charia comme personne. On dirait un peu le mauvais remake d'un film avec l'Arabie Saoudite qui dit oh, je suis ton père, Al-Baghdadi. Raoul Reyers, presque au mot de la fin pour Félicitations. Vous. Félicitations. À l'américain Joey Chestnut qui, pour la 9e fois, remporte le concours d'indigestion de hot dog. Enfin, on dit ingestion, mais. Ouais. Indigestion. Il en a quand même mangé, enfin, avalé 70 en 10 minutes. 70 en 10 minutes. 70 en 10 minutes. Ouais. 70 en 10 minutes. C'est votre maître à penser, Raoul. En plus, il s'appelle Chestnut, ça doit vouloir dire genre torse en noisette. Ça veut dire châtaigne. Ah, eh oui. Je parle pas anglais qui veut. Ben, chest, c'est un torse. Oui, mais c'était bien essayé. Ouais, bien essayé, Vincent Dubussier. Tiens, justement, évitez l'anglais et proposez-nous un autre mot pour résumer votre. Criminality has never been so low. Oui, la criminalité est au plus bas en Belgique, donc voilà, je trouve que c'est bien. Parce qu'on n'a jamais eu autant de migrants, donc il faut nous envoyer encore un peu plus, parce qu'avec encore plus de migrants, on aura encore peut-être moins de criminalité. Et on est en niveau 3 aussi. Ouais, est-ce que ça a un lien de cause à effet Ouais, peut-être que tous ces militaires dans les rues... Peut-être, on se pose la question. L'info du jour, les militaires qui étaient devant le Stade de France n'ont pas bougé le jour des attentats. Et alors, encore mieux aussi, c'est l'homme au chapeau à Brigny qui dit de toute façon... Ils sont passés devant eux plein de fois. Je passais en casquette, comme ça, la sécurité n'apportera jamais rien. Mais j'ai dit tout ça dans mon billet. Si vous écoutiez un peu, les deux infos étaient dedans. Mais pas bien. Oui, d'accord. J'ai vraiment pas compris. Récoutez d'ailleurs cette émission, la podcastant. Hein. Vous verrez, vous pouvez choisir ce que vous voulez hein, sur le rtbf.be/ovio. C'est à la carte, cette émission, avec des humeurs plurielles. Autre humeur, autre mot pour déterminer l'actu du jour. Cindy Aizarali. Eh bien, moi, c'est Fossard. Je trouve que c'est une initiative assez géniale d'une série de musées anglais et de la chaîne Sky Art. Ils ont échangé 7 tableaux dans 7 musées de Grande-Bretagne contre des copies. Et il y a un énorme jeu en fait, qui est en cours sur Internet et à la télé. On incite les gens à aller au musée et d'essayer de repérer les faux. Et en fait, à la clé, il y a une copie de maître en fait, d'un des tableaux à gagner, à accrocher chez soi. Et c'est en fait, pour inciter les gens à aller au musée et être plus attentifs en fait, aux œuvres qu'ils observent. Et bien ça, je trouve que c'est une très, très, très, très, très belle initiative. C'est dommage que ça n'existe pas en Belgique et j'espère qu'un jour, ça s'importe. Parce que là, du coup... on va voir du monde dans les musées. Mais oui, et en fait, on peut aller sur le site de Sky Art, c'est très très bien fait parce que les tableaux sont là en HD et on a un outil loop et on peut soi-même en fait jouer même d'ici pour le fun et rentrer tenter sa chance. Quoi. Eh bien, on mettra le lien tiens, sur le Facebook de l'émission histoire que vous en sachiez plus si vous pensez peut-être partir en week-end du côté de Londres. En plus, c'est pas cher pour le moment, faut y aller. Faites-vous plaisir. Ouais. Merci à Vincent Flibustier, merci à Cindy Aizarali, merci Maître Candy, merci Pierre Charette. C'est un plaisir. Merci Raoul Reyes. C'est moi qui vous remercie. Et on remercie bien entendu nos auditeurs qui ont été une fois de plus fidèles au poste. Nous serons une fois de plus presque sérieux demain dès 16h sur la première. Portez-vous bien, rendez-vous avec l'information sérieuse. C'est dans quelques secondes maintenant avec Pierre-Yves Muggens pour Soir Première. À demain. Ça se passe sur la première. Pour vous, voyager est un prétexte pour vous évader du quotidien, vivre plus intensément pour nourrir votre imagination ou créer. Vous souhaitez partager cette expérience avec nous ? La première vous invite à participer à Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui croquent leurs escapades pour vous donner un goût d'ailleurs. Envoyez vos témoignages et vos coordonnées à croqueur@rtbf.be. Croqueur au pluriel @rtbf.be. Plus d'infos sur lapremière.be. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, Le monde est un village. Ce mardi, je vous embarque dans des moments oniriques ou imaginatifs. Des musiques et chansons calmes au programme pour nous permettre de clôturer une journée chargée. Embarquez, vous ne serez pas déçus. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. La première présente le 27e Festival interculturel du Conte de Chigny. Tout un monde imaginaire, de vrais mensonges, de fausses vérités. À découvrir à Chigny, c'est 8, 9 et 10 juillet sous le soleil de Gaume. Plus de 80 spectacles et animations en intérieur et extérieur. Chaque